Monsieur, vous avez choisi ? Oui, je vais prendre un menu à 12 euros avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment ? À point, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Ça a été ? Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace ? Qu'est-ce que vous avez comme glace ? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille, chocolat, s'il vous plaît. Un café ? Oui, un café, et l'addition.